Mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, yeah, yeah. Mamacita, mamacita, mamacita, oh, mamacita, mamacita. Yo toujours dire, même pas de l'écouer. L'amour qu'on fait, puis on perd du temps. Pour moi c'était parole en l'air. Divagation, disons mon fou. Depuis j'aime ton mélangeur. C'est la chaville, t'es en bas. Depuis j'aime ton mélangeur. Y'a des bras tremblés. Por favor. Qu'un verre m'a pis fort. Por favor. C'est le con sous comme. Por favor. Por favor m'a pémenté. Por favor. Favol ma psyblio, baby. Kembe mou ma pifom. Por favor. Se rekon sou kom. Por favor epi nou eme. Por favor epi nou eme amor. Mamacita, mamacita, mamacita. Mamacita, mamacita. Yeah, yeah. Mamacita, mamacita, mamacita. Oh, mamacita, mamacita. La li nou met, rete kache. Les miens dont je mets joie dans le cœur. Le poil remet tout en guettant. Le poil chassé tout mauvais vent. Depuis j'aime ton mélangeur. C'est la chaville, tête en bas. Depuis j'aime ton mélangeur. Garde mon bras tremblé. Por favor. Qu'elle veut mon m'appuie fort. Por favor. Se recon sous comme. Por favor. Por favor m'a pémenté. Por favor. Favol ma psyblie. Por favor. Que ma mouma pifor. Por favor. Se recon sou com. Por favor. Favol e pino e merco. Por favor ma psyblie. Répète tout ce fois qui chante ma remède. Répète-moi, répète-moi, ça va du moyen. Dis-moi qui ça pour me faire. Moi parler à vous. Tout ma genou, ma belle en pédé. Répète tout ce fois qui chante ma remède. Répète-moi, répète-moi, ça va. Mais ben à qui veut-il? Ben à qui veut-il? Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Ben à qui veut-il? Mais ben à qui veut-il? Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Por favor.